Amis Capricorne, bonjour et bienvenue dans votre tirage du mois d'avril 2023. Et on se concentre cette fois sur vos amours. Alors, quel est le message du tirage de Béline pour vous, pour vos amours 2023, pour les Capricornes? Est-ce qu'il y a un message ou un conseil? Mais écoutez, apparemment, l'union dans la maison, dans le foyer, lune-Vénus, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'affection, d'intimité entre vous, et d'équilibre familial normalement aussi, pour ceux qui sont en famille. Alors, pour les célibataires, eh bien écoutez, c'est bien parti. Mais on va voir, puisqu'on n'en est qu'à la coupe, et on va voir le tirage. La coupe, elle donne une coloration au jus. Donc c'est pour avril 2023 pour les Capricornes. Amour, amour, amour. Oups, ça c'est bien. Écoutez, ça va dans le même sens. Donc c'est parfait. Vous allez donc, normalement vous êtes dans une excellente phase affective. En couple, vous allez avoir une nouvelle en plus qui va vous mettre en valeur. Alors ça peut être le travail de l'un des deux. Qui peut mettre l'un des deux en valeur, ça peut être une autre nouvelle, qui en tout cas met le couple en valeur et qui, je vais dire, renforce encore ce sentiment de paix, de bien-être, de quiétude et de longévité de votre couple, de votre union. Et pour les célibataires, eh bien apparemment, là, il y a une rencontre amie Capricorne qui se profile, qui est très possible d'ailleurs pour le mois d'avril, avec une personne qui est sensée, une personne sérieuse, qui a vraiment envie d'une relation stable. Et il est possible que ce soit dans des démarches professionnelles ou par l'intermédiaire de personnes au travail que vous allez faire cette rencontre dans vos activités diverses. En tout cas, c'est plus voilà, vers là que je chercherai, mais bon, après tout, laissez votre cœur ouvert et l'amour viendra de toute façon par la fenêtre ou par la porte. En tout cas, il est bien annoncé. Alors, bon mois d'avril.